Salut, moi c'est Harry. Arithmétique, et aussi curieux que cela puisse paraître, eh bien en calcul je suis nul. Si bien qu'en mathématiques, j'ai toujours préféré mes pneumatiques. Sauf que lorsque j'ai entendu que chez Citroën, ils proposaient 50% sur le deuxième pneu, plus la pose à 1 euro seulement, je me suis écrié « Enfin, une addition pas du tout gonflante !» Si bien que je me suis remis à aimer les maths tout autant que l'asphalte. Bref, merci plus merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre non cumulable réservée aux particuliers, valable du 17 au 24 mars 2018 dans le réseau Citroën participant, conditions sur citroën.fr. Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Bertrand Meyer-Stablé vient de faire paraître aux éditions Sutton un ouvrage sur la dernière tsarine. Franck Ferrand nous parle aujourd'hui d'Alexandra. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Alexandra Fiodorovna, de son nom de règne, était née allemande évidemment, Alix de Hesse d'Armstadt. Elle a été l'épouse de Nicolas II et l'histoire retient qu'elle a partagé le martyre de l'empereur et de la famille. Il y aura bientôt 100 ans, hein, 100 ans en juillet prochain. Je suis heureux qu'Alexandre Jevakov, que connaissent bien nos auditeurs maintenant, est accepté de venir nous parler de cette passionnante souveraine. Quant à Lorena Martin, elle nous fera visiter en fin d'émission le palais Livadia qui fut sur la mer Noire la résidence d'été de la famille impériale. Oui, ce palais de Livadia où se retrouvait la petite famille. Difficile de parler d'Alexandra sans évoquer les grandes duchesses Olga, Tatiana, Maria, Anastasia ainsi que le tsarevitch Alexis bien sûr. Pour la rubrique finale de Retour aux origines, je reviendrai pour ma part sur un mot historique plus ancien puisqu'il nous ramènera sous le règne d'Henri III à Blois. Pour le moment, nous partons beaucoup, beaucoup plus loin, vers Saint-Pétersbourg. Au cœur de l'histoire, sur Europe 1. Franck Ferrand. Lorsqu'elle arrive en Russie pour devenir impératrice aux côtés de son jeune mari Nicolas II, celle qui désormais sera Alexandra Fiodorovna ne se figure sûrement pas, enfin il faut l'espérer pour elle, la somme d'épisodes tragiques qu'il va lui falloir surmonter désormais. La dernière impératrice de Russie, originaire d'Allemagne, qui est devenue plus russe que les Russes d'une certaine manière, mais qui au départ était étrangère à ce peuple et qui va se révéler assez impopulaire auprès de certains en tout cas, l'impératrice devra affronter la maladie de son fils, bien sûr, l'hostilité de sa belle-mère, nous allons en reparler, et puis ces guerres, une première révolution larvée avec beaucoup de crises sociales, le délitement du régime impérial, tout ce qui s'est passé autour de son protégé, le célèbre Rasputin, et puis la révolution, celle qui va mettre fin à la dynastie des Romanov. Évidemment, elle ne se remettra jamais de tout cela. Pour l'impératrice Alexandra, tout a commencé par une belle histoire d'amour. Pourtant, au départ, cela est radieux, c'est solaire. Alexandra rencontre pour la première fois Nicolas alors qu'elle n'a que 12 ans. Elle est donc la petite Alix, Alix de Hesse, jeune princesse allemande, petite fille de la reine Victoria, cousine du Kaiser, de Guillaume II. Et tout enfant, c'est une enfant qui a été vraiment radieuse. D'ailleurs, la famille l'avait surnommée Sunny, ça ne s'invente pas. Seulement la mort brutale, alors qu'elle n'a que, elle a moins de 7 ans, elle a 6 ans, la mort brutale de sa mère et de sa petite sœur, emportée par une maladie qu'elle s'accuse elle-même de leur avoir transmise d'ailleurs, donc elle est pleine de culpabilité cette petite fille. Tout ça a eu raison de son sourire. On peut dire qu'une ombre s'est installée dans son regard et qu'elle va y demeurer à vie. Qu'importe, à moins que ce ne soit d'ailleurs pour cela même, toujours est-il que Nicolas tombe éperdument amoureux de cette jeune fille si jolie, un peu triste, de 4 ans sa cadette. Il rêve de l'épouser. Il appelle Alix la chère et incomparable, ou encore la superbe. Nous avons eu l'occasion ici même, il y a peu de temps, d'évoquer la Chassinskaya, vous vous rappelez, hein, la maîtresse de Nicolas II. Ça ne l'a pas empêché d'être vraiment amoureux de celle qui va devenir sa femme. Alors, le père, lui, le tsar, Alexandre III, ne voit pas d'un très bon œil cette union. Il aimerait mieux que son fils épouse une princesse française. Ça resserrerait encore les liens entre ces deux nations qui sont en train de s'allier. Cependant, la passion du tsarevitch pour Alix ne tarit pas et au bout de 5 longues années, Nicolas va faire triompher sa volonté sur celle de ses parents. C'est le secret des ménages royaux heureux. C'est la volonté de ceux qui les imposent. Le mariage est imminent et d'autant qu'à l'automne 94, Alexandre III, qui est affaibli par la maladie, il s'est donné un mal de chien dans un accident. Enfin, je ne vais pas entrer dans tous les détails. Toujours est-il que, après 13 années de règne, le tsar, le colosse, le géant s'éteint. Quelques semaines après son inhumation, évidemment, c'est le nouveau tsar qui va épouser Alix, qui donc devient Alexandra Fiodorovna. Beaucoup notèrent cruellement que la jeune épouse était arrivée dans la capitale derrière un cercueil et en firent un oiseau de malheur, note Jean-François Saulnon. Et c'est vrai que les augures n'étaient pas terribles dans cette affaire. D'ailleurs, dès son arrivée sur le trône de Russie, l'Allemande Alexandra ne fait pas l'unanimité. La nouvelle impératrice est d'origine protestante et je peux vous dire qu'elle a tout fait pour se faire aimer de son peuple. Notamment, elle a totalement renoncé à sa religion. Elle a accepté de se convertir à l'orthodoxie et elle est devenue bien plus orthodoxe que certains orthodoxes. Mais malgré son charme, car elle est vraiment très belle, avec une chevelure dorée magnifique, de grands yeux gris, elle a des traits qui sont faits à peindre, comme on disait autrefois. Et d'ailleurs, Alexandre Jevakov nous a apporté une très belle médaille où on la voit de profil et elle est vraiment très belle. Alexandra, néanmoins, pêche par une forme de froideur. Elle est très effacée, elle est timide, elle paraît peu aimable. C'est pas vrai, en fait. On prend cette froideur pour de l'orgueil, pour du mépris, pour une forme de distance hautaine. En vérité, c'est de la timidité, c'est de l'inexpérience. Et malgré ce manque d'assurance, elle essaie de faire ce qu'elle peut, bien entendu. C'est vrai qu'elle ne sourit pas assez, cette jeune tsarine. Elle devient rouge dans les situations un tout petit peu embarrassantes. Il faut toujours l'encadrer, il faut toujours la prévenir. C'est un petit peu compliqué. Et puis il faut dire aussi qu'elle est très forte. Elle a un vrai caractère. Ça, on ne le pardonne pas volontiers aux souverains rapportés, si je puis dire. Notamment en ce qui concerne les affaires politiques, les affaires de défense de l'autocratie russe. Nicolas II et Alexandra se sont installés dans le palais Alexandre de Tsarskoïe Selo, qui a été réaménagé pour eux. Très vite, Alexandra s'est mise à exercer sur son mari bien plus que de l'influence. Elle pilote le couple, si je puis dire. Toute jeune mariée, elle voit avec une grande lucidité les faiblesses de caractère de son époux. Il faut vous dire que Nicolas II ne voulait vraiment pas être tsar, et lorsqu'il a appris qu'il devait régner, il a éclaté en sanglots. Ça nous rappelle Louis XVI, à peu près au même âge et dans les mêmes circonstances, vous savez. Ce qu'il aurait aimé, c'est être marin, voyager, faire le tour du monde, nous dit Marc Ferraud, et non pas décider, agir, gouverner et assister à des conseils de ministres. Il avait été jusqu'au Japon, où il avait subi un attentat, rappelez-vous. Alexandra fait tout pour aider son mari à gouverner le mieux possible. Elle l'encourage, elle lui rappelle sans cesse qu'il doit s'imposer à son entourage, à ses peuples. Il lui faut faire preuve d'autorité. « Soyez énergique », lui écrit-elle. « Ne supportez pas que les autres se mettent en avant ou que vous soyez tenu à l'écart. Manifestez votre propre volonté et ne souffrez pas que les autres oublient qui vous êtes. » C'était pratique cette époque où on écrivait les choses même entre époux, parce que ça permet aux historiens de savoir exactement de quoi ils retournent. Rapidement, dans l'aristocratie de Saint-Pétersbourg, des rumeurs circulent. On dit que la tsarine voudrait affaiblir le tsar, qu'elle en a après son pouvoir. La bonne société russe a du mal à accepter cette Alexandra qu'elle ne porte pas vraiment haut dans son cœur. Il faut vous dire que la tsarine elle-même n'aime pas trop cette aristocratie, qu'elle participe peu aux bals et aux fêtes. Elle aime mieux se réfugier dans cette espèce de cocon familial qu'elle va peu à peu bâtir avec Nicolas. Et ce sont des soirées de doux bonheur que passent les jeunes époux repliés dans leur palais de Tsarskoïe Selo. Seulement, les années passent, Alexandra se désole de plus en plus de ne pas réussir à donner naissance à un fils, à un héritier du trône. Il faut vous dire qu'elle aura quand même quatre filles. Les fameuses Otma, vous savez, dont elle avait retenu les initiales, Olga, Tatiana, Maria, Anastasia. Chaque naissance est pour l'impératrice une déception, parce que ce n'est pas le garçon attendu. Et évidemment, la menace pèse sur la pérennité de la dynastie, tout simplement, à défaut de fils, ou quand je dis de la dynastie, en tout cas de la descendance propre de son mari. À défaut de fils, la couronne pourrait revenir donc au grand-duc Michel, un frère du tsar, et ça ne réjouit pas Alexandra comme perspective. Elle est assez désespérée. C'est sans doute ça qui va la jeter dans les bras des popes, si je puis dire. Elle va devenir mystique. Elle écoute les conseils d'un certain Philippe, qui est un faux médecin lyonnais, une sorte de magnétiseur. Enfin, je dis faux médecin. Il avait peut-être des mérites. Il lui promet que son prochain enfant sera un garçon. Seulement, elle fait une fausse couche. Elle le renvoie en tant que charlatan. Alexandra se tourne vers l'église orthodoxe. Elle ne cesse de multiplier les pèlerinages, etc. Et Alors, il faut vous dire qu'elle vient de canoniser un moine qui jusqu'alors était inconnu, Séraphin, et comme par hasard, c'est la Providence, diront certains, miracle, à l'été 1904, naît un fils. Enfin, le petit Alexei, Alexis pour nous. Et pour Alexandra, c'est un cadeau du ciel. Enfin, elle va être heureuse. Un bonheur de courte durée, puisqu'on s'aperçoit que l'enfant est atteint de ce fameux mal héréditaire que transmettent les femmes, vous savez, l'hémophilie. À 6 mois à peine, le petit garçon se met à saigner du nombril, l'hémorragie est guérie, mais de nouvelles hémorragies vont apparaître. Et là, pour Alexandra, c'est le début de ce qu'on peut appeler un chemin de croix. Elle sait que cette maladie est incurable, elle culpabilise, ça réveille en elle la vieille culpabilité dont je vous ai parlé, celle de son enfance. La maladie de son fils hante désormais ses cauchemars et on va la voir user de tous les moyens pour tenter de sauver ce fils adoré, quand je dis tous les moyens. Même les plus insensés, même les plus dangereux. Extrait de la symphonie numéro 6, La Pathétique de Tchaïkovski à l'instant sur Europe 1, dirigé par Herbert von Karajan. Cet après-midi, Franck Ferrand vous emmène au cœur de l'histoire d'Alexandra, l'épouse du tsar Nicolas II. Et la suite, c'est dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors cet après-midi, Franck, vous nous emmenez au cœur de la vie de la dernière tsarine, Alexandra. Elle vient tout juste d'avoir un fils, on vient de le vivre avec vous, le tsarevitch Alexis. Mais l'enfant est atteint d'une grave maladie, une maladie rare qui lui provoque des hémorragies. L'hémophilie, en l'occurrence. L'hémophilie, c'est ça. Alors à cette période où naît Alexis, à quoi ressemble le climat politique et social en Russie? Alors, il va y avoir la guerre, vous savez, contre le Japon, jusqu'en septembre 1905, avec une défaite terrible des Russes face au Japon. Et ça mine littéralement l'autorité du tsar. Or, au même moment, sur le front intérieur, si je puis dire, c'est l'époque des révoltes ouvrières, des révoltes paysannes. À Saint-Pétersbourg, on voit se multiplier les grèves avec des ouvriers qui se révoltent contre des conditions de travail dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles étaient effectivement assez... Enfin, cela dit, c'était pas brillant en France non plus à l'époque. Les paysans s'emparent des terres, incendient des propriétés. Et le 22 janvier 1905, des centaines de milliers de manifestants vont se masser devant le palais d'hiver, vous savez, devant la résidence du tsar en réclamant de la justice, etc. Et... il y a on a fait une émission déjà là-dessus, est-ce que c'est une bavure, bref, c'est une répression terrible, fusillade qui va faire des centaines de morts, on appelle ça le dimanche rouge, c'est le début d'une vraie révolution. Alexandra apprend les événements dans la soirée du 22 janvier, quelles angoisses nous traversons, écrit-elle à sa sœur. C'est le temps des épreuves, oui, la troupe a dû ouvrir le feu, c'est vrai, hélas, c'est effroyable, mais sans cela, la foule serait devenue une nuée immense, et ce sont 1000 personnes peut-être qui aurait dû être écrasé, dit-elle. Vous aurez compris que dans cette affaire, et là encore, on pourrait faire un parallèle avec Louis XVI et Marie-Antoinette, la tsarine est beaucoup plus ferme que son époux, incomparablement. Elle le pousse à ne pas céder. Vous n'avez pas le droit d'abandonner à vos sujets la moindre parcelle de l'autorité que la Providence vous a donnée sur eux, lui dit-elle. Rappelez-vous que vous êtes un autocrate et que vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Seulement, étant donné la pression du peuple, l'anarchie qui règne, Nicolas va quand même accepter de concéder une douma, vous savez, une assemblée législative élue. Pour Alexandra, c'est une concession, alors là, mais insupportable. On dirait la réaction de Marie-Antoinette lorsqu'elle apprend la création de l'Assemblée nationale à partir de ce qui s'était fait aux États-Généraux, vous savez. Pour elle, c'est un signe de faiblesse, elle enrage, la tsarine éprouve pour l'autocratie un véritable attachement, et c'est un attachement qui est non seulement viscéral, qui est spirituel d'une certaine manière. Tandis que les premières failles apparaissent dans le régime, la santé d'Alexandra se détériore, Elle est torturée par les crises de plus en plus fréquentes de son fils, hein, et elle s'enferme dans ce qui est une sorte de chagrin. Elle est obsédée par la santé d'Alexis, l'angoisse la mine, elle est sujette à des migraines, à des insomnies, etc. Alexandra s'imagine souffrir de troubles cardiaques, écrit Bertrand Meyer-Stablet. Elle a le souffle court et le moindre effort lui est pénible. La tsarine présente les symptômes d'une anxiété psychologique due aux soucis que lui cause la santé de son fils. Or, comme Alexandra, et je vous rappelle que pendant les états généraux de 1789, Marie-Antoinette avait également son fils aîné, le dauphin, qui était malade. En train de mourir. Hein, même. Bon. Tous les médecins se révèlent inaptes à guérir l'enfant et la tsarine est prête à recourir à tout ce qui peut se présenter. Elle attend un miracle, elle plonge tout entière dans la dévotion. Et en novembre 1905, il se trouve qu'on lui présente un homme dont on vante les talents de guérisseur, les pouvoirs surnaturels. C'est un Sibérien d'origine, au regard étonnant, magnétique, perçant, qui allait jusqu'au fond de l'âme, nous dit un témoin. Dans les salons de Saint-Pétersbourg, on s'arrache cet homme qu'on appelle le Starets. Vous savez, c'est d'ailleurs l'homme de Dieu, d'une certaine manière, l'illuminé au bon sens du mot. Son vrai nom, c'est Grigori Yefimovitch Rasputin. Rasputin étant son surnom, pas surnom très brillant d'ailleurs. Et d'emblée, la souveraine est fascinée par ce gaillard à la barbe hirsute, habillé en moujik, qui lui parle avec l'accent de sa province et la tutoie en l'appelant Matouchka, petite mère, nous dit Bertrand Meyer-Stablet. Ne serait-il pas ce représentant de la Russie profonde à qui Dieu a voulu réserver le soin de sauver la tsarine et son fils? En octobre 1906, Rasputin est reçu pour la première fois par la famille impériale dans l'enceinte de Tsarskoye Selo, au palais Alexandre. On prend le thé avec le Starets, on voit le tsar est là et la tsarine aussi bien entendu. Et lors d'une des premières rencontres, Rasputin va prophétiquement déclaré au tsar, je le cite, « Tant que je serai vivant, ton trône et tes proches n'auront rien à craindre. » Toujours très dangereux, vous savez, ce genre de personne qui s'octroie comme ça une forme d'autorité morale sur une famille. Alexandra elle-même est fascinée, disons-le, par le magnétisme de cet homme. En octobre 1907, le petit Alexis fait une chute dans les jardins de Tsarskoye Selo. Il subit une grave crise hémorragique et là, les médecins le condamnent. Il n'y aura pas moyen de s'en sortir, disent-ils. Ce ne sera pas possible. Alexandra est désespérée. Elle appelle Rasputin pour qu'il vienne au chevet de l'enfant. Et vers minuit, Rasputin arrive. Il prie devant le petit lit de l'enfant. Et le lendemain, Alexis est de nouveau sur pied. Et ça, évidemment, ça change tout. Comment, à partir de là, ne pas croire au miracle? Comment ne pas être ensorcelé par ce qui apparaît comme le magnétisme du guérisseur? Alexandra voit en Rasputin son salut, et d'autant plus que les scènes telles que celles que je viens de vous raconter vont avoir tendance à se reproduire et à s'enchaîner. En 1912, le tsarévitch de nouveau est atteint d'une grave crise d'hémorragie. La tsarine alerte Rasputin et il se trouve qu'il n'est pas à Pétersbourg à ce moment-là. Il faut le joindre loin, là-bas, dans l'est de la Russie. Il envoie un télégramme. « La maladie ne paraît pas dangereuse », écrit Rasputin dans son télégramme à la tsarine. « Que les médecins ne se fatiguent pas !» Et de fait, dès le lendemain, la crise s'arrête. Incroyable. Incroyable. Et quelques mois plus tard, nouvelle hémorragie pendant un séjour en Crimée. Et on fait revenir Rasputin et de nouveau, prière qui sauve l'enfant. À la cour impériale, on commence à se demander pourquoi l'impératrice est quand même tellement proche de cet obscur charlatan, parce que comme ça que l'appelle la haute aristocratie. Alors en plus, un bonhomme qui a des manières complètement débauchées, les rumeurs courent à son propos. On dit qu'il serait érotomane, ce qui est très probable, que ce serait un escroc, qu'il se pourrait qu'il soit même, pourquoi pas, l'amant d'Alexandra. C'est en tout cas le bruit qui court. Et un soir, alors qu'il a bu, Rasputin se met à raconter à qui veut l'entendre qu'il fait ce qu'il veut de la vieille. Et la vieille... C'est l'impératrice. Non, oui, enfin, c'est sa principale amie, Anna Virubova, mais enfin, c'est presque aussi grave. Alexandra voit dans ses accusations des calomnies contre celui qu'elle voit comme un saint ou un second Christ persécuté. L'adoration d'Alexandra pour Rasputin est en train de devenir un problème politique majeur. Et elle en est maintenant, l'impératrice, à glisser à son mari des suggestions de son cher ami, des suggestions politiques, bien entendu. Rasputin donne son avis sur les nominations de ministres, sur les destitutions de tel et tel fonctionnaire. Alors, Évidemment que Nicolas ne se laisse pas faire. Le tsar ne nomme pas les ministres en fonction de ce que raconte Rasputin. Il essaie de se protéger. Il met sa femme en garde d'ailleurs. « Tu sais toi-même que les opinions de notre ami sont quelquefois très étranges », écrit-il à Alexandra en septembre 1916. Donc là, on est en pleine guerre. Il lui écrit depuis le grand état-major de la Stavka. « C'est pourquoi il convient d'être prudent, surtout lorsqu'il s'agit de nominations à des postes importants ». À partir de 1914, Rasputin répète que la guerre sera un désastre pour le pays, un désastre pour la dynastie, un désastre pour la famille du tsar. Or, le 17 décembre 1916, on apprend la nouvelle, Rasputin a été assassiné, probablement par le prince Youssoupov, c'est-à-dire par un des membres de la jeune aristocratie brillante de Saint-Pétersbourg en guerre, de Petrograd comme on dit maintenant. La tsarine est effondrée, elle craint plus que jamais pour la santé de son fils, elle a le pressentiment que désormais la famille sera vulnérable à toutes les catastrophes, que tous les malheurs pourraient arriver, et de fait, tous les malheurs vont maintenant arriver. Cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand vous emmène au cœur de l'histoire d'Alexandra, l'épouse du tsar Nicolas II. Vous pouvez, comme chaque jour, réagir à cette émission, poser vos questions à Franck Ferrand et son invité, Alexandre Jevakov, jusqu'à 15h. Rendez-vous sur Twitter avec le hashtag ACDH, sur la page Facebook au cœur de l'histoire et sur Europe1.fr. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Vous nous emmenez cet après-midi, Franck, au cœur de l'histoire d'Alexandra, l'épouse du tsar Nicolas II, qui a eu une vie compliquée. Et après la mort de Rasputin, celui qui était censé sauver son fils, une vie qui va être encore plus compliquée maintenant. Oui, parce qu'il faut bien comprendre que depuis que le tsar a pris lui-même le commandement des opérations militaires, on est en pleine Première Guerre mondiale, bien entendu. Il est à la Stavka, il est très loin de Petrograd. Et c'est la tsarine qui doit se débrouiller avec les ministres, avec la nouvelle Douma, etc. Elle essaie de faire ce qu'elle peut, hein, d'ailleurs. Elle est assez... on peut dire qu'elle a tout à fait l'énergie nécessaire, ça c'est incontestable. Elle tente de rassurer son mari à distance, d'ailleurs. Elle dit « N'ayez crainte pour ce qui reste derrière. Je veille au grain, j'ai de la poids. J'obligerai le vieux à être énergique. » Alors le vieux, elle, décidément, tout le monde est vieux. Surnoms, oui. C'est Gromykine, vous savez, le Premier ministre. Elle semble s'être investie de la mission de sauver l'autocratie russe. Elle fait aménager le palais Catherine en hôpital militaire. Elle va visiter les établissements de la Croix-Rouge, etc. Bref, on la voit d'ailleurs elle-même posée en tenue d'infirmière, etc. Paradoxalement, la guerre semble avoir métamorphosé, nous dit Bertrand Meyer-Stablet. Alexandra n'a jamais eu si bonne mine. Elle dort mieux, son cœur la fait moins souffrir, même sa sciatique tente à se faire oublier. Elle est comme galvanisée. Ça, c'est peut-être tout simplement l'effet du pouvoir. Regardez n'importe quelle personne malade, vous la collez au pouvoir et d'un seul coup elle va mieux. Bah oui, parce qu'on est très occupé, on fait beaucoup de choses, on a l'impression d'avoir une vie supplémentaire d'une certaine manière. Plus que jamais, Alexandra conseille à son mari de se montrer sévère, rigide, sans concession. Elle refuse que Nicolas cède du terrain à la Douma. Mais ni Alexandra ni Nicolas ne se rendent compte de la gravité des événements qui se trament. Ni l'un ni l'autre n'imaginent que le régime est en vérité sur le point de s'effondrer. Or, au début de l'année 17, les troubles se développent. La population épuisée par la guerre, par le froid, par la famine se radicalise. Rassemblements populaires partout, des foyers d'incendie, si je puis dire, dans tous les coins. Les grèves de plus en plus nombreuses. Le 24 février 1917, des ouvriers vont jusqu'à chanter la Marseillaise sur la perspective Nevski. Ce qui, dans les pays étrangers, n'est pas signe de patriotisme, mais de révolution, hein, je précise, bien entendu. Le jour suivant, la grève a atteint tout Petrograd. Les manifestants se déversent dans la ville, s'arment, combattent les troupes qui finissent par fraterniser, en tout cas pour une partie des régiments. Alexandra ne cesse de répéter qu'elle ne croit pas la révolution possible. Elle tente de se rassurer en se disant que les troubles se limitent à Petrograd. Seulement, la vérité, c'est qu'il y a le chaos un peu partout dans le pays. Et Nicolas II, qui est en train de rentrer de la Stavka, est immobilisé avec son train. Vous connaissez cette histoire, on l'a raconté hein, il y a un an à l'occasion du centenaire. Qu'est-ce qui a poussé Nicolas II à abdiquer? Franchement, à l'heure où je vous parle, je n'en sais rien. Ça n'est pas objectif comme décision. Mais enfin, c'est ainsi, c'est ce qu'il va faire. Il abdique en faveur de son frère, le grand-duc Michel, qui évidemment n'acceptera pas le trône. Et Alexandra, elle n'est pas encore au courant de l'abdication de son mari lorsqu'elle lui écrit ceci. « Tout finira bien. Si on vous force à faire des concessions, en aucun cas vous ne devez les exécuter. » J'ai envie de dire, on s'est beaucoup moqué d'elle, cette tsarine, on a beaucoup dit qu'elle avait tous les mots, etc. Moi, je trouve que dans la circonstance, elle a fait preuve de bien plus de clairvoyance que Nicolas II. Bref, nous verrons ce qu'en pense tout à l'heure notre invitée. Elle n'arrive d'ailleurs pas à croire la nouvelle quand on lui apprend l'abdication. À Petrograd, le peuple continue de gronder, à se déchaîner contre l'ex-couple impérial. Maintenant, on ne parle plus que de l'allemande dans le peuple pour parler de l'impératrice. Quand je dis dans le peuple, dans une partie du peuple, bien entendu. Petrograd est aux mains des révolutionnaires et certains quartiers carrément aux mains des bolcheviks. En juillet 17, le gouvernement provisoire décide d'envoyer la famille impériale, dont n'ont voulu ni les Anglais ni les Français d'ailleurs, dans une région isolée en Sibérie, à Tobolsk. Ça va durer 9 mois et puis la famille est transférée. Vous savez, elle doit être ramenée à Moscou, mais finalement, devant la progression des armées russes blanches, elle est détournée vers l'Oural, vers le soviet de l'Oural, à Yekaterinbourg exactement. On l'installe dans la maison de l'ingénieur Ipatiev. C'était le nom Ipatiev du monastère d'où était parti d'ailleurs Michel lorsqu'il est devenu grand-duc de Moscovie. Mais c'est une autre histoire. Et sur ordre de Lénine, dans la nuit du 16 au 17 juillet, le tsar et sa famille sont réveillés pour être fusillés. C'est en tout cas la version officielle. Ceux qui ont eu l'occasion d'assister à mon spectacle savent que ce n'est pas tellement ce que je pense en ce qui me concerne. Mais enfin, ça c'est un autre sujet dont nous ne parlerons peut-être pas vraiment aujourd'hui. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quelques mois plus tôt, Kerensky, vous savez, le patron modéré, si je puis dire, de la Révolution, avait rendu visite au tsar et à sa femme, qui était en résidence surveillée, donc au palais à Alexandre. Il avait été frappé par la force de caractère d'Alexandra. Et voici ce que disait Kerensky. Je trouve que ça vaut la peine d'être lu. C'est cité en l'occurrence par Jean-François Solnon. « Alexandra Fyodorovna, raide, fière, hautaine, me tendit la main à contre-cœur comme si elle y était forcée. Je sentis immédiatement que, toute brisée, irritée qu'elle fût, elle était une femme intelligente, possédant beaucoup de force de volonté. La différence de caractère et de tempérament entre le mari et la femme venait de se manifester de façon typique. En quelques secondes, je compris le drame psychologique qui se déroulait depuis des années dans les murs du palais. » Bonjour Alexandre Jevakov. Bonjour Franck Ferrand. Merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Finalement, cette Alexandra, plus on l'étudie, plus on lui consacre des articles, des biographies, des expositions, et plus on se rend compte qu'elle était une maîtresse-femme d'une certaine manière. C'était elle qui, pardonnez-moi cette expression un peu vulgaire, c'était elle qui portait la culotte dans le couple impérial ? Dans une certaine mesure, oui. Dans la mesure où je crois que la tragédie personnelle en tant que mère et en tant qu'épouse qu'elle a subie a immanquablement porté sur son caractère, l'a durci, l'a renforcé. Vous avez évoqué le choix religieux et mystique qui était le sien. Mais je crois aussi que derrière ce choix, elle a effectivement tiré d'autres conclusions. Et effectivement, dans son rapport conjugal, par rapport à Nicolas II et par rapport à la vision qui était la sienne, indubitablement, elle a été très très forte. Il faut aussi rappeler que, même si ensuite c'est très difficile, on n'est pas dans une analyse psychologique au Café du Commerce, elle a été élevée par Victoria, donc l'impératrice. Alors justement, si vous voulez, on va revenir sur la petite Sonny. On va revenir sur ses origines allemandes, sur cette jeunesse ensoleillée, si je puis dire, avant d'évoquer le magnifique profil de médaille aux traits durcis. Europe 1. Au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous emmenez au cœur de l'histoire d'Alexandra, l'épouse du tsar Nicolas II, au cœur de ce destin tragique de l'impératrice Alexandra, avec votre invité Alexandre Jevakov. Il est historien, haut fonctionnaire, auteur de La guerre civile russe, paru chez Perrin. Et vous êtes très nombreux à réagir à cette émission sur les réseaux sociaux. Pascal vous demande, à vous Franck et à vous Alexandre Jevakov, Votre opinion concernant les parallèles troublants de l'histoire, comme par exemple entre Louis XVI et Marie-Antoinette, oui. et Nicolas II et sa femme. Mais oui, mais j'ai eu l'occasion de le dire au moins deux, sinon trois fois depuis le début de l'émission. Oui, moi, j'ai toujours été frappé. Et plus le temps passe, plus les petits détails, les anecdotes me viennent et renforcent ma conviction, plus je suis effectivement frappé du parallèle qui peut exister, qu'on peut établir entre la situation de Louis XVI et Marie-Antoinette de 1789 à 1793 et de Nicolas II et Alexandra de 1905 à 1918. Il y a beaucoup de parallèles et d'éléments parallèles, donc par rapport à l'auditeur et par rapport à ce que vous avez dit, la réponse est oui. Il y a quand même une énorme différence entre Marie-Antoinette et Alexandra Fyodorovna, c'est que Marie-Antoinette était quand même... je ne veux pas dire très frivole, mais elle était plutôt portée sur le... Pas à la fin. Au début, tout au long de sa vie. D'ailleurs, tous les scandales, c'est son entourage. Alors qu'on n'a jamais prêté, sauf de manière extrêmement caricaturale, de liaison extra-conjugale à la tsarine. Si vous relisez ce que vous avez vraisemblablement fait, si vous avez lu les lettres de Marie-Thérèse, elle se plaignait de la superficialité de sa fille, alors que Alexandra Fyodorovna... C'est presque l'inverse. Elle était presque trop sérieuse. Donc là, il y a une certaine différence. Ce moment extraordinaire où, à l'occasion d'une visite du président Faure en Russie, on offre au couple impérial le grand portrait de Marie-Antoinette avec ses enfants. Une espèce de symbole. C'est assez étonnant. Très bénitoire, oui. Alors, donc, en tout cas, je suis d'accord avec cet auditeur. Il est évident que les parallèles de ce genre ne sont que, comment dire, approximatifs et empiriques. Ça n'a rien de scientifique et détaillé. Mais en tout cas, il y a quelque chose. C'est vrai que le nombre de points communs est quand même assez sidérant. Il faut bien le reconnaître. Alors, revenons à la toute jeune Alix, lorsqu'elle est Alix de Helmsdarstadt et qu'elle vit dans la principauté, comment pourrait-on dire, dans le petit royaume. Helmsdarstadt qui avait déjà donné deux épouses de tsar, non, puisque la première était l'épouse du tsarévitch Paul, le fils de Catherine II, et elle meurt avant que Paul ne monte sur le trône. Et la deuxième, c'est celle qui devient l'épouse d'Alexandre II, et celle pour laquelle d'ailleurs Alexandre II achète le fameux palais de Livadia dont nous parlerons en fin d'émission. Et donc finalement Alexandra Fyodorovna devient la troisième Hesse d'Armstadt à se retrouver à Saint-Pétersbourg. C'est presque une pépinière de future impératrice. Alors sur la jeunesse de la future impératrice, vous l'avez dit, elle perd sa mère et une de ses sœurs quand elle a 6-7 ans. Elle rencontre et tombe amoureuse de Nicolas II à 12 ans, donc son enfance est en fait très très brève. Elle est élevée à ce moment-là par Victoria, donc la reine d'Angleterre, l'impératrice des Indes, qui est sa grand-mère. Une éducation qui est obligatoirement très sévère, qui se passe en dehors de son milieu familial, en dehors de son pays, ce qui explique en contrepartie qu'elle parle anglais couramment et que les extraits de lettres que vous avez lus, qui sont toutes des lettres rédigées en anglais. Elle est très anglophone. Et donc, ça, c'est un point important. Donc, c'est extraordinaire de voir que cet enfant de 12 ans tombe amoureuse d'un adolescent de 16 ans et qu'elle, les deux, et c'est réciproque. Les deux, c'est donc une espèce de passion quasiment digne des plus beaux romans roses qu'on peut imaginer. Et les deux sont suffisamment forts dans leur personnalité et dans leur volonté pour aboutir effectivement à obtenir le feu vert de la famille impériale russe dans un contexte qui est très très difficile puisqu'ils se fiancent quelques mois avant que le tsar Alexandre III ne décède. Il décède à Livadia là aussi. Et donc, la future Alexandra Fyodorovna arrive à Livadia pour devenir orthodoxe quelques jours avant que son futur beau-père, si je veux dire, ne décède. Et dans le journal intime du futur Nicolas II, il y a des pages extraordinaires où le jour où elle arrive, il explique que c'est un jour tellement radieux, unique, enfin, voilà. Je me rappelle les films qu'avait fait Frédéric Mitterrand au milieu des années 90, très beau film, s'appelait Les Aigles Foudroyés, où l'on voyait, parmi les tout premiers films de cinéma jamais tournés, n'est-ce pas, où l'on voyait le tout jeune Tsarevitch, il n'était pas encore tsar, et sa petite fiancée, là, ils sont absolument adorables. C'est un couple merveilleux. Et quand ils montent sur le trône à la mort terrible d'Alexandre III, c'est un espoir énorme pour la Russie. À une période où la Russie est entrée dans une phase industriel, culturel, on le sait, tout le monde connaît les grands auteurs, les grands musiciens, le théâtre, l'opéra, mais il faut bien avoir en tête que dans ces dernières décennies du 19e siècle, l'Empire russe est entré dans une phase d'industrialisation, de bouleversement technique, technologique et scientifique qui font faire de la dynamique économique de l'Empire russe jusqu'à la Première Guerre mondiale une des grandes puissances mondiales. Et donc, cette Russie est en pleine transformation. Il y a toujours le problème foncier qui demeure après la fin de l'esclavage en 1861. Mais il y a une industrialisation considérable énorme, avec énormément de capitaux étrangers, notamment français, qui explique que va arriver une classe prolétarienne. Et plus tard, avec Stolypine, ça prendra encore une toute autre dimension. Nicolas II a la chance d'avoir deux grands ministres à ses côtés, vite et au moment de la guerre russo-japonaise, puis Stolypine. Et Stolypine est sûrement un des plus grands esprits russes du XXe siècle, puisque Stolypine, lui, voulait réformer complètement la question paysanne pour créer une classe de propriétaires paysans moyens. Et malheureusement, ce projet n'aboutira pas, puisqu'il est assassiné. Alors, nous ne reviendrons pas sur ce que l'on connaît, c'est-à-dire les mauvais présages du couronnement, avec notamment cet accident dans la foule, qui rappelle d'ailleurs l'accident qui avait eu lieu. Et puis, bien sûr, les difficultés de la tsarine à se faire accepter de la haute aristocratie, de sa belle-mère aussi. Alexandre Ferdinand a parlé assez mal le russe, alors que sa belle-mère, donc la veuve de qui elle était danoise, elle parlait couramment le russe et elle avait réussi par une forme d'alchimie que personne ne peut commenter, à se faire extrêmement apprécier de la haute société russe et de la Russie plus allemande. Et c'est vrai que les problèmes de santé que vous avez rappelés très justement ont encore accentué cette espèce d'enfermement, à la différence de la belle-mère, si j'ai dire. On est dans finalement une relation quasiment petit-bourgeoise entre la belle doche et la belle-fille, si vous me passez ces expressions totalement déplacées pour des impératrices. J'avais ouvert le feu tout à l'heure. Voilà. Mais il n'en reste pas moins que ceci a été réel, et notamment en 1913, lorsque il y a eu de grandes fêtes pour le tricentenaire des Romanov, comme par hasard, Alexandra Fyodorovna était malade, et donc les grandes cérémonies ont été inaugurées en quelque sorte par sa belle-mère, accompagnée des deux grandes duchesses aînées. Et ces deux grandes duchesses, elles faisaient partie donc de toute la fratrie, ces cinq enfants magnifiques, parce que si les parents étaient beaux, les enfants l'étaient encore plus. Absolument. Quelle famille extraordinaire, nous y venons dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes cet après-midi depuis 14h sur Europe 1 au cœur de l'histoire d'Alexandra, l'épouse du tsar Nicolas II. Avec votre invité, vous recevez Alexandre Jevakov. Il est historien, haut fonctionnaire et auteur de La guerre civile russe parue chez Perrin. C'était une vraie mère poule, cette Alexandra, il faut le dire. Une excellente mère d'ailleurs. Une excellente mère, et vous l'avez rappelé, elle avait cinq enfants et surtout elle était traumatisée par ce qui arrivait à son fils, à Tselevitch, bien sûr. Mais elle s'est bien occupée de ses filles. Elle leur a donné une éducation intelligente, on peut le dire. Oui, mais enfin, bon, c'est une éducation d'une grande cour européenne. Donc, donc il y a à la fois une présence maternelle très, très directive, mais il y a tout un processus. En revanche, ce qui est important, vous l'avez dit, c'est que pendant la Première Guerre mondiale, à la fois la tsarine et les grandes duchesses se sont très, très vite mobilisées pour acquérir une formation minimale d'infirmière et pour effectivement servir, s'occuper des blessés, aider les malades. Parce que naturellement, il y avait énormément de soldats et d'officiers russes qui ont été blessés dès 14, et donc il y avait énormément de besoins à assurer. Elle s'est mise à la langue, à la culture, à la religion russe, ô combien. Si je peux me permettre, la religion russe, qui est une religion chrétienne, c'est simplement une confession orthodoxe. Oui, tout à fait, oui. Mais elle n'en a pas moins toujours été considérée plus ou moins comme une Allemande, et ça est ressorti pendant la guerre, absolument, bien sûr. Absolument, on a soupçonné, puisqu'effectivement elle a eu des contacts avec son frère, on l'a soupçonné de vouloir signer un traité de paix séparé, et après la révolution de février, le gouvernement provisoire a créé une commission pour vérifier si elle avait trahi l'Empire russe. Et en fait, la conclusion de la commission, c'est qu'elle n'avait rien commis qui pouvait être assimilé à un acte de trahison. Et d'ailleurs, depuis la publication en 1976 de l'ouvrage le dossier Romanov, de ces deux journalistes anglais, et puis depuis les ouvrages de Marc Ferraud également, on se demande si l'impératrice n'aurait pas servi de monnaie d'échange avec la Wilhelmstrasse au moment de la négociation de la paix de Brest-Litovsk. Et certains vont jusqu'à dire que l'impératrice Alexandra ne serait pas morte à Yekaterinbourg comme son mari Nicolas II. Ça, c'est un mystère. Voilà, c'est la version de Marc Ferraud, si j'ai bien compris. Vous êtes un peu sur elle est sa intéressante, ligne. Elle est intéressante. Non, non, je ne voilà. Juge pas spécialement sur une ligne, mais en tout cas, c'est intéressant. Il y a des arguments. Mais ce que je montre dans ma guerre civile russe, c'est qu'effectivement, à la fois sur Brest-Litovsk, il y a eu beaucoup de discussions au sein du pouvoir bolchevique. En revanche, ensuite, à l'été 18, au moment où sont assassinés l'ambassadeur à Moscou et à Kiev, les pouvoirs bolcheviques étaient plutôt sur une version anti-allemande parce que l'ambassadeur von Mirbach à Moscou était plutôt favorable au renversement du pouvoir bolchevique et à négocier avec les anti-bolcheviques. On a beaucoup présenté Alexandra comme une sorte de complice de Rasputin. On a dit qu'Anna Virubova autour d'elle faisait... tout ça était quand même très largement lié à la maladie de son fils, disons les choses. À aucun moment, on parlait de Marie-Antoinette, les liens qu'on soupçonnait entre Marie-Antoinette et la princesse de Lamballe. Et à la révolution de février 17, il y a des libelles qui paraissent, qui sont absolument obscènes et ignobles, qui traitent à la fois l'impératrice et ses filles de maîtresses de Rasputin. Tout ça sont des inventions absolument scandaleuses. Oui, bien sûr. Vous pensez, comme moi, j'allais dire que si l'on avait un peu plus écouté la tsarine, le pouvoir impérial se serait maintenu sur le trône de Russie ? Non, parce que les fondamentaux n'étaient pas favorables. Il fallait vraisemblablement évoluer vers une monarchie constitutionnelle qui était d'ailleurs... Et ça, elle le refusait. Nicolas II l'avait admis à contre-cœur après 1905 et il a en revanche refusé que Witte et Oustolypine jouent un rôle trop excessif. Merci beaucoup Alexandre Jevakov. Merci. Je rappelle votre livre très très passionnant, La guerre civile russe, qui est paru en janvier 2017 chez Perrin. Et puis donc, Alexandra, la dernière des tsarines de Bertrand Meyer-Stablet, c'est aux éditions Sutton, dernière des tsarines. Il y avait déjà une Alexandra Fiodorovna, la dernière tsarine. Ça c'était l'ouvrage du prince Paul Mourouzi qui a été réédité en 2011 aux éditions France Empire. Europe 1, au cœur de l'histoire, Franck Ferrand. Nous sommes au cœur de l'histoire d'Alexandra, l'épouse du tsar Nicolas II. Il est temps d'aller sur place. Nous allons visiter le palais de Livadia maintenant, Franck. Et oui, bonjour Lorena. Bonjour Franck. Alors, en venant, j'ai vu que la foire de Chatou du 9 au 18 mars prochain était consacrée à l'art russe. Je me suis dit, Lorena va nous parler de la foire de Chatou. Eh bien, pas du tout. Je vous parle de Livadia, qui est un bourg de l'extrême sud de la Crimée, qui se situe à quelques kilomètres de Yalta. Et c'est là, dans ce palais, que s'est tenue la conférence de Yalta en 1945 et que Roosevelt et la délégation américaine ont dormi dans les 43 chambres du palais. Sublime palais de Livadia, la belle résidence d'été des tsars. Hein. Exactement. Et ce qu'il en reste, du moins, parce qu'aujourd'hui, il en reste vraiment en fait cette bâtisse blanche d'inspiration renaissance qui donne sur un grand parc et qui mène à la mer. Et c'est celui qui avait été commandé par Nicolas II. Et donc, il faut imaginer des galeries ouvertes, des balcons ajourés, des décors sculptés à la pierre blanche d'Inkerman, qui est une variété de calcaire produite en Crimée. Et c'est l'architecte Nikolai Krasnov qui l'avait construit. Et lorsqu'il s'est journé... Nicolas Krasnov était particulièrement précoce. Hein. Oui, il avait 24 ans. À 24 ans quand il est devenu architecte principal, c'est extraordinaire. Oui, et on lui doit aussi la résidence du roi de Yougoslavie, donc à Dedina. Et lorsqu'il séjournait à Livadia, les Romanov profitaient de l'air pur puisque le climat était assez incroyable avec les bains de mer, le soleil. Ils se promenaient dans le parc. Ils avaient même fait construire un court de tennis dans le parc. Ils vont y séjourner jusqu'au printemps 1914. Et puis bien sûr la Première Guerre mondiale, puis les événements révolutionnaires vont les empêcher d'y retourner. Il ne reste pratiquement aujourd'hui rien du mobilier et des objets de valeur, il faut bien le dire, puisque tout a été pillé ou détruit. Aujourd'hui, ça a été bien sûr une maison de repos, un sanatorium, et aujourd'hui il a été transformé en musée, ce palais, et donc on peut y voir toute l'histoire des Romanov et bien sûr un moment de la conférence de Yalta. Ce palais de Livadia qu'on peut retrouver notamment dans La Russie au temps des tsars, des Romanov à la Révolution de Mathieu Banck, avec une préface de Robert Hossein. C'est chez Larousse, dans cette belle collection Documents de l'Histoire, où on a toutes sortes de petits documents, de mémorabilia. C'est un livre-objet. C'est tout à fait magnifique. La Russie, au temps des tsars, des Romanov à la Révolution, donc. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, c'est un retour aux origines consacré à une phrase. Écoutez bien. Il est plus grand mort que vivant. Oui. Ou alors, mon Dieu, qu'il est grand, il paraît même plus grand mort que vivant. Qui a prononcé cette phrase? Eh bien, c'est Henri III, bien entendu. Nous sommes à Blois, à la veille de Noël 1588. Vous savez que Henri III a dû se sauver littéralement de Paris, qui était aux mains des Ligueurs. Qui est à la tête de la Ligue à l'époque? C'est Henri de Guise. C'est les trois Henri. Vous savez, le roi Henri III, Henri de Guise, et puis, bien sûr, le le chef du parti protestant Henri de Navarre, qui deviendra le roi Henri IV parce qu'il est, pour des raisons de sang, il est l'héritier présomptif de ce roi sans enfant qui est Henri III. Mmh. Et ça, les ligueurs catholiques ne peuvent pas accepter que ce soit le chef des protestants qui devienne le roi de France. Vous imaginez la tension terrible. Le roi Henri va ordonner l'exécution des Guises, hein, pas seulement d'Henri, de son frère aussi d'ailleurs. Il va distribuer lui-même les armes pour qu'on les passe au fil de l'épée dans ce château de Blois, ce qui va rendre malade, quasiment morte, la reine Catherine de Médicis. Et puis, on peut dire aussi que le roi Henri III n'y survivra pas d'une certaine manière, puisqu'il sera assassiné à son tour quelque temps plus tard. Nous nous retrouvons demain, chère Anissa. Oui, on parlera d'une autre impératrice. Celle-ci s'appelle Théodora. Elle était impératrice de Byzance et prostituée. C'est le programme de demain à 14h. Je plaisantais hier sur la voix de notre Isabelle Quenin. J'espère que ça ne lui a pas porté malchance parce qu'elle est carrément à faune aujourd'hui. Et c'est Elisabeth Assayag qui est avec nous. Bonjour Elisabeth. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de nous pencher sur nos émotions. Tristesse, joie, colère, dégoût. Comment les gérer et surtout comment en faire une force dans la vie. On va en parler. Et comment les vivre tout simplement ces émotions. Merci beaucoup Elisabeth. Nous nous donnons rendez-vous, nous, demain à 14h sur Europe 1.